Lao Tzu, philosophie chinoise. Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu, ou le livre des vertus de la voix. Traité écrit 6 siècles avant l'ère chrétienne par le philosophe chinois Lao Tzu. Hommage à la culture chinoise traditionnelle. Livre audio podcast bilingue français-chinois. Enregistré Happening Live le 5 février 2019. Pour le Nouvel An chinois 2019. Narration interprétée par Stefano Francobora pour une production studio SFB Création Multimédia avec en spécial guest Laetitia Zeppelini-Humbert en lecture chinoise. Création culturelle en licence Creative Commons pour le libre partage et la découverte des cultures du monde. La voix que l'on peut nommer n'est pas la voix éternelle. Le nom que l'on peut donner n'est pas le nom éternel. 2. 无名天地之始，有名万物之母。 L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toute chose. 3. 故常无欲，以观其妙。常有欲，以观其教。 C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. 4. 此两者同出而异名，同谓之玄。 玄之又玄，众妙之门。 Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. 老子 Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu. Composé dans le 6e siècle avant l'ère chrétienne par le philosophe Lao Tzu. Traduit en français et publié avec le texte chinois et un commentaire perpétuel par Stanislas Julien, membre de l'Institut et professeur au Collège de France. Paris, imprimé par l'autorisation du roi Louis-Philippe en 1842 à l'imprimerie royale. Chapitre 1. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toute chose. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle,